Tant de mains, je suis riche, je n'en vais pas. Des bisous de ce sonneur, je n'en vais pas. Dans les mains de magie, ça ferait quoi? Pam, pam, la, pam, pam, pam, la. Offre-moi du personnel, je ferai quoi? À moi, la neuf, c'est elle, n'est pas pour moi. Offre-moi la tour Eiffel, je ferai quoi? Pam, pam, la, pam, pam, pam, la. La soie de la bonne humeur, le bas ventre sang qui fera mon bonheur, m'a fait crever. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oublie donc, tu l'en glisser. Bienvenue dans ma réalité. Sans le monde de bon moyen, c'est trop pour moi. Moi et mon sang avec les mains, je suis comme ça. C'est par le fort et ses souffrances, excuse-moi. La soie de la bonne humeur, ce n'est pas votre sang qui fera mon bonheur. M'en se fait crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc, tu m'en glisser. Bienvenue dans ma réalité. Oubliez donc, tu vas glisser, bienvenue dans